إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc ça me fait plaisir aujourd'hui de commencer donc cette première conférence de la journée en français dans ce premier séminaire qu'on organise à Montréal. Donc les deux premières conférences aujourd'hui c'était avec le frère Shakir et il a parlé des sujets, premièrement le statut de la sunna dans l'islam et le deuxième sujet c'était les fondements de la sunna. Donc il a expliqué certains des fondements de la sunna. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant donc, étant donné que ces conférences à lui étaient en anglais, eh bien on reprend les sujets en fait qu'il a donné ou qu'il a expliqué, mais en français. Et bien entendu, on n'a pas toujours les mêmes références, mais c'est-à-dire que lui, il se réfère parfois à d'autres livres, mais on rapporte en principe les mêmes choses, puisqu'on se réfère tous à des savants qui sont des savants d'Ahl-Sunnah et qui suivent la compréhension des salafs. Donc on va toujours trouver les mêmes explications, peu importe hein, si on prend de différentes sources. Donc moi je vais commencer tout de suite, Inch'Allah, avec le sujet d'aujourd'hui, le sujet de cette conférence qui est yani, le statut de la sunna dans l'islam. Et premièrement, comme on le sait, lorsque les ulama parlent d'un sujet, ils commencent toujours par donner la définition des mots qu'ils utilisent ou qu'ils veulent expliquer pour que les choses soient clarifiées pour commencer. Donc le mot, en premier, le mot sunna, dans la langue arabe, qu'est-ce que ça signifie? Lughatan, les ulama, ils expliquent que la sunna, c'est as-sira wa tariqa, c'est-à-dire la voie et la façon de faire ou la façon de se conduire. Et les ulama de la langue arabe disent par exemple fulanun ala sunnati fulanun ala sunnati fulan, c'est-à-dire un tel est sur la voie de un tel, c'est-à-dire que le mot sunna dans la langue arabe ça veut dire une façon de faire, une voie. Oui, donc naam as-sunna dans la sharia la sunna dans la sharia, qu'est-ce que ça signifie? Le Cheikh Bazmoul, il a écrit un livre qui s'appelle Fadl al-Tiba' al-Sunna, le mérite de suivre la Sunna. Et dans ce livre-là, il explique donc que la définition du mot Sunna, selon la législation, selon la Sharia, c'est de suivre ce qui a été rapporté de la part du messager, sallallahu alayhi wa sallam, comme ordre, et d'abandonner ce qu'il a interdit. Et que ça implique tout ce qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala et qui a été ramené par le messager sallallahu alayhi wa sallam parmi les affaires qui sont obligatoires ou recommandées. Et en ce qui concerne les choses qu'on doit abandonner parmi les choses qui nous ont été interdites, donc on doit s'en écarter et les abandonner, de même qu'on doit aussi s'écarter des choses, donc ça implique également les choses qui sont déconseillées ou détestables. Et donc, ça c'est, si on veut, le terme sunna selon la charia. Ça implique tout ça, ça implique toutes ces choses-là. Toutefois, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, à travers l'histoire, les savants de différents domaines, de différentes branches islamiques ont développé différentes définitions de la, qu'est-ce que signifie la sunna selon leur domaine et selon leur spécialité ou leur spécialisation. Donc, les savants de hadith ont donné une définition au mot sunna. Les savants de fiqh ont donné au mot sunna une autre définition et les savants de usul ou fiqh ont donné au mot sunna une autre définition. Donc, par exemple, les savants de hadith, ils disent que la sunna, c'est tout ce qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, comme action, comme approbation ou comme description physique ou comportement. Hein? Donc, ils disent que ça, c'est la sunna, ça, c'est selon la définition des savants de hadith. Et pour donner l'exemple de chaque cas, hein, le cheikh il explique que, par exemple, la sunna de la parole, c'est l'exemple lorsque Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il dit, nous avons entendu, j'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, les actions ne valent que selon leur intention. Et chacun aura selon ce qu'il a eu comme intention. Donc ça c'est un hadith qui est un hadith qui fait partie de la sunna de la dans les paroles, hein, as-sunna al-qawliya comme on dit. Il y a aussi as-sunna al-fi'liya comme par exemple la parole de Anas radiyallahu anhu lorsqu'il dit kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu ad-dubba. Donc ça c'est un exemple qui mentionne que Anas a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait les courges, hein, aimait les courges. Donc ça c'est un exemple d'action. Et il y a aussi d'autres exemples de ça dans les autres actions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées, comme les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la salat, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier, hein. Et il y a des exemples aussi dans comment payer la zakat, comment faire le jeûne, hein, comment faire le hajj, et ainsi de suite. Toutes ces choses-là ont été expliquées par l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi par sa parole. Hein. En ce qui concerne l'approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on appelle en arabe « as-sunnatu taqririya », c'est-à-dire que lorsque quelque chose se produit à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou au moment de la révélation et que cette chose-là est approuvée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien qu'elle n'est pas dénoncée ou condamnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas-là on va dire que c'est une sunna taqririya, hein? Il l'a approuvée par son silence ou par son approbation. Hein, comme par exemple, supposons que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de la révélation, un sahabi a fait quelque chose à un autre sahabi, ou il a fait une transaction avec un autre sahabi, ou bien quelqu'un a fait quelque chose et il n'y a pas eu d'interdiction par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette chose-là, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas condamné cette action-là ou cette parole-là, ou bien parfois quelqu'un faisait quelque chose ou disait quelque chose devant le messager sallallahu alayhi wa sallam et on voyait son visage devenir rouge de colère. Ça c'est la preuve qu'il n'a pas agréé cette action ou cette parole. Donc ça c'est le contraire de l'approbation. L'approbation c'est quand il n'a pas de réaction ou quand il sourit ou quand il est d'accord avec quelque chose par le fait qu'il reste silencieux, il ne critique pas, il ne condamne pas. Dans ce cas-là, ça veut dire que cette chose-là, elle est dans sa sunna d'approbation ou taqririya. Et en ce qui concerne les caractéristiques du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas-là, c'est comme lorsque Aïcha radiallahu anha a été questionnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été questionnée par un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Kana khuluquhu al-Qur'an. C'est-à-dire son khuluq, son comportement, c'était le Qur'an lui-même. Hein? Il implémentait le Qur'an dans son comportement. Et donc, il était, hein, si on veut, son comportement était le Qur'an. En ce qui concerne de sa description physique, comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, ça aussi, les muhaddithines, les savants de hadith, considèrent que ça fait partie aussi de de sa sunna, c'est lorsque les sahaba, par exemple, décrivent l'apparence physique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand ils disent, par exemple, qu'il était rab'a, c'est-à-dire qu'il était ni trop grand, ni trop petit, il était de taille moyenne, et que lorsqu'il se tenait debout en rang parmi des gens qui sont assez grands, il les dépassait, et qu'il avait un visage blanc comme la lune. Lorsque les sahaba le voyaient, ils le décrivaient de cette façon-là. Donc ça, c'est des exemples de sa description de son apparence physique. Donc ça, c'est la définition des savants de hadith en ce qui concerne la sunna pour les savants de hadith. En ce qui concerne la définition des savants de usul al-fiqh ou bien de fiqh, eux, ils disent que c'est tout ce qui a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, comme action ou comme approbation. Et ça se limite à ça pour eux. Cheikh Bazmou, il explique que en ce qui concerne les fuqaha, c'est la même chose. Parce que eux, qu'est-ce qui est important pour eux, c'est qu'est-ce qu'on peut utiliser dans qu'est-ce qui a été rapporté dans la sunna comme preuve pour établir des verdicts, pour établir des jugements dans la charia. C'est ça qui est important pour eux, la parole, l'action et l'approbation. Et en ce qui concerne donc, comme je disais, les fuqaha, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une sorte de des sortes de terminologies qui se sont développées au sujet des différentes règles de la charia. Et c'est de là que sont apparues al-ahkam al-shar'iyya. C'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-ahkam al-shar'iyya, c'est-à-dire les règles de législation. Et on les appelle al-ahkam al-shar'iyya al-taklifiyya. Al-taklifiyya, pourquoi? Parce que c'est qu'est-ce qui va nous dire, ou c'est qu'est-ce qui nous dit, par exemple, que telle action, elle est permise, ou est-ce qu'elle est interdite, ou est-ce qu'elle est obligatoire, ou est-ce qu'elle est recommandée, Donc c'est ça. Al-wajib, al-muharram. Al-wajib, ça veut dire qu'est-ce qui est obligatoire. Al-muharram, c'est qu'est-ce qui est interdit. Al-makruh, c'est qu'est-ce qui est détestable. Al-mubah, c'est qu'est-ce qui est permis. Et al-mustahab, c'est qu'est-ce qui est recommandé. Donc ça, c'est les cinq règles qui a été développée plus tard dans l'histoire islamique. Mais c'était après l'époque des salafs. Et aujourd'hui, c'est pour ça que ça crée parfois de la confusion chez les gens. Parce que lorsque tu leur dis, ça c'est sunna, tout de suite, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils ne pensent pas au sens large du mot sunna. Ils pensent au mot sunna dans le sens de l'utilisation des savants du fiqh. Et eux, ils utilisent le terme sunna pour déterminer ce qui est mustahab, c'est-à-dire ce qui est recommandé. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui, lorsque tu leur dis, par exemple, telle chose c'est sunna, ils s'imaginent que ça veut dire que c'est seulement recommandé et que ce n'est pas obligatoire. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que cette définition-là du mot sunna, elle est apparue plus tard dans l'histoire. Et il faut donc comprendre que lorsqu'on lit le mot sunna dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi dans les paroles des sahaba et des tabi'in et des grands imams de la sunna, comme l'imam Ahmad ou l'imam Shafi'i ou l'imam Abu Hanifa ou l'imam Malik ibn Anas, rahimahumullah, quand ils disaient le mot sunna, ils ne disaient pas ce mot-là dans le sens de qu'est-ce qui est mustahab. Pour eux, la sunna, c'est beaucoup plus vaste. La preuve de ça, c'est que certains d'entre eux, ils peuvent inclure dans qu'est-ce qui est sunna, ce qui est obligatoire. Parce qu'il y a des choses dans la sunna qui sont obligatoires. Il y a des choses dans la sunna, même que si tu les abandonnes, ou si tu les contredis, ça rentre même dans la mécréance. Ça rentre même dans le kufr. Donc, c'est pas toutes les choses qui sont dans, comme certains s'imaginent parfois. Ils disent, ah, si c'est dans le Coran, c'est obligatoire. Mais si c'est dans la sunna, c'est recommandé seulement. Parce qu'ils ont compris cette chose-là selon la définition des savants de fiqh. Et non pas selon la définition plus vaste et plus large qui était dans l'utilisation des salafs. Donc, par exemple, tu vas dire à un musulman aujourd'hui, mon frère, tu dois garder ta barbe, c'est une sunna. Donc ils disent, oui, mais sunna, c'est pas obligatoire. Non, mon frère, c'est obligatoire puisque cette sunna, c'est une sunna wajiba, hein, obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a ordonné avec un verbe impératif qui implique l'obligation, hein. Il a dit, u'fu anil liha. Ça veut dire, laissez vos barbes pousser. Et même que dans d'autres narrations du hadith, il dit, khaliful al-majus, khaliful nasara. Contre, c'est-à-dire, distinguez-vous des juifs, distinguez-vous des chrétiens, hein. Faites le contraire de ce qu'ils font. Non pas le contraire de, il y en a comme certains comprennent, par exemple, ils vont dire, faites le contraire, ça veut dire que si aujourd'hui les chrétiens se rasent pas, ils laissent pousser leur barbe, ou si les juifs laissent pousser leur barbe, on va se raser, nous. Non. Faites le contraire de ce qu'ils font s'ils contredisent les prophètes, le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, s'ils suivent une des aspects de l'islam, on va pas les contredire dedans. C'est ça que ça signifie. Et là, donc, le cheikh, il explique donc que selon les imams, et les imams des salafs, et les grands imams des trois premiers siècles, préférés de l'islam, lorsqu'ils ont écrit des livres au sujet de la sunna, au sujet de la croyance islamique, ils les ont nommés des livres, ils les ont intitulés As-Sunna. Par exemple, l'imam Ahmad, il a écrit un livre qui s'intitule As-Sunna. Et ce livre-là contient des éléments de croyance que celui qui les oppose, soit il est dans la bid'ah, dans l'innovation, ou bien dans le kufr, parfois même. Hein? On va en parler de ça plus en détail dans la prochaine conférence, c'est-à-dire celle qui est après le Maghrib, Inch'Allah. Donc ça, c'était juste une petite clarification pour faire comprendre les terminologies ou la définition des différentes terminologies en ce qui concerne le mot sunnah. Un autre point aussi, avant de rentrer dans les différents éléments et les preuves au sujet de l'importance de la sunna et du statut de la sunna dans l'islam, il est important de savoir qu'on peut diviser la sunna en deux catégories. As-sunna as-sariha ou as-sunna ad-dimniya. C'est-à-dire la sunna qui est explicite et la sunna qui est implicite. La sunna qui est explicite, c'est quoi? C'est celle qui est apparente. Celle qui est mentionnée, par exemple, comme un hadith qui dit « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit telle chose. » Ou « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait telle chose. » Ou « Yani, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était là et telle chose est arrivée. » Ou « On était avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et on a fait telle chose. » Ou ainsi de suite. Du moment qu'on attribue ou on relie l'action ou l'événement ou la chose directement et explicitement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une sunna qui est explicite. Toutefois, parfois, tu vas trouver qu'il y a une autre catégorie de sunna que beaucoup de gens, cette catégorie de sunna, beaucoup de gens n'y pensent pas. Hein? C'est la sunna ad-dimniya. Et c'est quoi cette sunna? C'est en réalité les paroles des sahaba, mais qui rentrent dans la sunna. Pourquoi? Parce que c'est des paroles des sahaba qui ne font pas partie des opinions personnelles et qui ne font pas partie des questions qui peuvent être déduites par ijtihad ou par déduction, hein, par un effort rationnel ou un effort dans le jugement, comme les ijtihadat. Donc, quand c'est des situations comme ça ou des questions comme ça, on en déduit qu'ils l'ont prise, cette sunna, du messager sallallahu alayhi wa sallam directement. Et des exemples de ça, par exemple, le cheikh il donne certains exemples de ça, comme la parole d'un sahabi. La parole d'un sahabi qui n'a pas eu de personnes qui l'ont contredit dans cette parole. Lorsqu'un sahabi a dit quelque chose, puis qu'il n'y a pas un autre sahabi qui l'a contredit. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire? Que ça fait partie, hein, de qu'est-ce qui fait partie de la sunna, puisque si cette chose-là n'était pas correcte ou n'était pas vraie, il y allait avoir un des sahabas au moins qui allait dénoncer cette parole et critiquer ou condamner ce que ce sahabi-là a dit. Et c'est ce qu'on appelle parfois aussi un consensus silencieux. Ijma'un sukuti. Un consensus silencieux. Parce que, étant donné qu'il n'y a pas eu d'objection à cette parole de Sahabi, donc on considère que c'est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, قول الصحابي في أسباب النزول في أسباب نزول القرآن الكريم وهذا أيضا حكمه حكم السنة المرفوعة. Par exemple, la parole d'un sahabi à propos de la cause de la révélation d'un verset en particulier. Donc ça aussi on peut dire que ça fait partie de qu'est-ce qui est attribué à la sunna. Comme par exemple lorsque dans une parole d'un sahabi on dit il est arrivé telle ou telle chose alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre tel verset. Ça aussi ça rentre dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si c'est explicitement mentionné que c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam puisque c'était au moment de la révélation, donc là c'est clair que c'est quelque chose qui fait partie de la sunna. Aussi la parole d'un sahabi qui explique qu'est-ce qu'il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, donc ça aussi c'est quelque chose qui rentre dans qu'est-ce qu'on considère parmi les choses faisant partie de la sunna. Beaucoup de gens négligent ça. Ils ne calculent pas ça ou ne donnent pas d'importance à ça. Pourtant que lorsqu'on regarde par exemple dans les livres de tafsir, vous allez voir que les sahabes vont mentionner des choses, clarifier des choses au sujet de la révélation. Et ça vient confirmer qu'est-ce qui est mentionné dans les hadiths parfois. Comme le meilleur exemple que je peux mentionner à ce sujet-là, c'est l'exemple de la description des sahaba au sujet du djilbab des femmes et du khimar. Donc tu vois par exemple dans le tafsir d'Ibn Kathir ou le tafsir de l'imam al-Tabari ou le tafsir de l'imam al-Qurtubi qui sont les trois plus importants parmi les tafsirs, le plus important étant celui de l'imam al-Tabari parce que c'est le plus ancien et qu'il a rapporté toutes les citations qu'il rapporte avec la chaîne de transmission jusqu'à celui qui l'a mentionné. Et tous les autres mufassirines, les savants de tafsir ou de l'interprétation du Coran qui sont venus après lui, ont tous pris de lui. D'accord? Donc c'est, on dit souvent en arabe que c'est le grand-père des tafsirs. Pourquoi? Parce que c'est lui le plus ancien. Et ensuite, bon, celui de Ibn Kathir, qui est le plus célèbre peut-être. La même chose pour celui de l'imam al-Qurtubi qui se concentre plus sur les règles de fiqh et qui clarifie plus les éléments qui ont rapport avec le fiqh dedans. Eh bien, dans ces tafsirs-là, par exemple, tu vas trouver des explications et des descriptions de comment, par exemple, les femmes portaient le djilbab à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas regarder des femmes qui se voilent, elles se voilent n'importe comment maintenant. Et ça devient n'importe quoi, franchement. Même que parfois tu te demandes si c'est pas aussi provocant que le vêtement des femmes qui sont pas croyantes, qui sont pas musulmanes. Et donc c'est pour dire, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails, mais c'est juste pour faire comprendre que si on veut savoir le vrai voile, le vrai djilbab, le vrai hijab, qu'est-ce que c'est, il faut retourner à l'exemple de qu'est-ce que les sahaba et les tabi'in ont mentionné comme explication dans le tafsir de ces versets-là. Et là, on va trouver l'explication correcte. Ça va, Hassan? Ça fait longtemps, mashallah. Barakallahu fik. Donc, là, maintenant, on va rentrer dans maintenant l'aspect de la sunna et de son statut, une fois qu'on a compris sa définition et ses catégories. Maintenant, on va rentrer dans le statut de la sunna dans l'islam. Le Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah, il a écrit un livre qui s'intitule Wujub al-amal bi sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa kufru man ankaraha. C'est-à-dire l'obligation d'agir selon la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et la mécréance de celui qui la nie. Il dit dans cette risala que les savants dans le passé, tout comme les savants contemporains, sont tous d'accord sur le fait que parmi les fondements de la charia qui sont reconnus et qui sont utilisés pour établir des verdicts et pour clarifier ce qui est halal et ce qui est haram, il y a le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne parle pas selon la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Et ensuite, il y a l'ijma des ulama de la Ummah, c'est-à-dire le consensus des savants de la Ummah. Donc ça, c'est les trois fondements, les trois bases principales. Et ensuite, il y a d'autres fondements qui viennent après, sur lesquels les savants ont divergé. Après ces trois premiers fondements-là, il y a d'autres fondements qui existent, qui sont mentionnés dans les livres de Usul al-Fiqh, mais au sujet desquels les savants ont divergé entre eux. Et parmi ces fondements-là, qui sont parmi les, par exemple, le plus important de ces fondements-là, c'est al-qiyas, c'est-à-dire l'analogie. La majorité des hommes de science considèrent que l'analogie est une preuve lorsqu'elle respecte certaines conditions et donc les preuves de ça sont très nombreuses et innombrables. Il y a plusieurs preuves que le qiyas, l'analogie, fait partie des fondements. Comme le frère qui a mentionné tout à l'heure cet exemple-là, il a parlé comme exemple du qiyas, les drogues, par exemple. Tout à l'heure, il a donné cet exemple-là. Supposons que nous, on sait tous que l'alcool est interdit. Et la raison pour laquelle l'alcool est interdit, c'est parce que c'est un intoxicant qui couvre la conscience et élimine la raison. Donc, à cause de ça, l'alcool est interdit. Comme Yani Omar ibn al-Khattab, il a mentionné, je pense qu'il disait Al-Khamr ma khamar al-aql. Al-Khamr, c'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui recouvre la raison. Qu'est-ce qui couvre la raison. Parce que Al-Khamr, ça vient le même. Le mot Khamr et le mot Khimar, ils ont la même racine. Khimar, c'est qu'est-ce que la femme porte sur sa tête pour se couvrir. Et Al-Khamr, c'est qu'est-ce qui couvre. Hein? Donc c'est pour ça qu'il a dit al-khamr ma khamar al-aql, c'est-à-dire le vin, c'est pas juste le vin qui, parce que le khamr c'est utilisé pour désigner le vin, mais c'est pas seulement le vin qui est interdit, c'est tout ce qui couvre la raison. Et donc les savants, lorsque les drogues sont apparues, eh bien ils ont pas trouvé dans le Coran ou dans la Sunna des hadiths ou des versets qui mentionnaient par exemple la cocaïne ou l'héroïne ou les autres drogues, hein, la marijuana ou autre, c'est pas mentionné dans le Coran, mais ils ont regardé les effets de ces drogues là sur l'esprit, sur le comportement, et ils ont fait une analogie entre ces drogues là et l'alcool. Et l'alcool, c'est une chose qui a été interdite explicitement par les textes de la révélation. Donc ils ont fait une analogie en se basant sur ça pour interdire la drogue, puisque la drogue rentre dans qu'est-ce qui rend une personne inconsciente ou qui lui fait perdre sa raison. Donc ça, c'est un exemple de qu'est-ce qu'on appelle qiyas en arabe. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas un texte explicite sur quelque chose. Eh bien, on peut l'utiliser. Le danger, par contre, c'est que parfois des gens vont l'utiliser ou l'employer, le qiyas, alors qu'il y a des textes explicites qui sont déjà présents pour mentionner si une chose est interdite ou non. Alors, dans ce cas-là, ça crée des problèmes. Parce que là, tu vois des gens opposer les textes en faisant des analogies. Hein? Donc là, ça devient dangereux. Ça, c'est une source d'égarement que certains groupes d'égarement, justement, ont pris et ils ont dévié à cause de ça. Donc, le premier fondement, c'est le Coran, comme on l'a dit. C'est la première source de preuves et de références dans la religion. C'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a plusieurs preuves dans la révélation qui nous mentionnent que c'est obligatoire de le suivre. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. Donc ça veut dire, suivez ce qui a été révélé de votre Seigneur et ne suivez pas en dehors de ça d'autres choses, d'autres alliés, comme vous vous souvenez peu. Et il mentionne aussi, وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى وأوحي إليك هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به. Donc ça c'est les versets dans le Coran dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne, il dit ceci est un livre que nous avons révélé qui est béni, alors suivez-le et craignez hein, pour que vous puissiez avoir la miséricorde. Et dans un autre verset dans Surat Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala il dit il vous est venu de la part d'Allah une lumière et un livre clair qui guide, par lequel Allah subhanahu wa ta'ala guide celui qui suit, qui le suit, qui guide à sa grâce celui qui le suit et au chemin de la paix, qui guide, par lequel Allah subhanahu wa ta'ala guide celui qui le suit au chemin de sa grâce et au chemin de la paix. Et il les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa permission et il les guide vers un droit chemin. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit et ceux qui rejettent le rappel lorsqu'il leur est venu, et certes c'est un livre puissant, le faux ne peut lui parvenir ni par devant ni par derrière. C'est une révélation d'un sage digne de louange. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et nous t'avons révélé ce Coran, ou bien ce Coran a été révélé pour avertir, pour qu'on puisse avertir avec celui-ci, et avertir toute personne à qui il atteint. Toute personne qui est atteint par ce Coran. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit هذا بلاغ للناس. Ça c'est une proclamation pour les hommes et pour qu'ils puissent être avertis par celui-ci. Donc tous ces versets-là sont des versets qui nous incitent à nous accrocher au Coran. Et il y a des versets très nombreux à ce sujet-là. Il y a des hadiths aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِنِّي تَارِكُنْ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّ إن استعصمتم به كتاب الله ورواه مسلم في صحيحه. Il dit j'ai laissé une chose parmi vous que tant que vous allez rester cramponné à celui-ci vous n'allez jamais vous égarer, le livre d'Allah. Et إني تاركم فيكم ثقلين أولهما كتاب الله وفيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. Il dit je vous laisse deux choses. La première d'entre ces deux choses, c'est le livre d'Allah. Et il y a la guidance et la lumière. Donc, prenez ce livre et accrochez-vous à celui-ci. Et il mentionne donc ce genre de preuves à ce sujet, qui sont des hadiths clairs sur le fait qu'il faut suivre le Coran. En ce qui concerne la deuxième preuve, parmi les trois sources de législation qu'on a mentionnées, c'est-à-dire le Coran, la Sunna et l'Ijma, il y a bien entendu en deuxième la Sunna. Et, yani, c'est ce qui a été rapporté de façon authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la part des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui a été transmis par les hommes de science et de foi par la suite. Ils croient tous en ce fondement qui est fondamental et ils l'utilisent comme preuve et ils agissent et la Umma agit selon ce qui est écrit et mentionné dedans. Et il y a de nombreux livres qui ont été écrits pour clarifier ce fondement là et ils ont clarifié aussi, les savants ont clarifié aussi dans les livres de Usul al-Fiqh et dans les livres de Mustalah al-Hadith hein, des choses innombrables comme preuve au sujet de ce fondement-là. Parmi les exemples de ça, il y a les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont dans le Coran, qui nous ordonnent de suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc, ce livre, le Coran, mentionne dans plusieurs versets l'ordre de suivre qu'est-ce qui a été donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'obéir au messager. Donc on va donc maintenant lire quelques exemples de ça inshallah comme versets qui sont mentionnés. Mimma warada fi zalika min al-ayat. Hein, parce que en fait le cheikh il explique que on peut pas vraiment suivre le Coran correctement sans la sunna. Puisque c'est la sunna qui vient clarifier la signification du Coran. Par exemple, juste pour donner l'exemple, si ce n'était pas de la sunna, on ne pouvait pas savoir le nombre de raka'at qu'on doit faire dans chaque prière et comment on doit faire la prière, sa description exacte. Parce que ça, c'est seulement clarifié dans la sunna. Hein? Et la même chose pour les règles du jeûne, pour les règles de la zakat, pour les règles des interactions qui ont rapport avec le commerce, les choses qui ont rapport avec le mariage, le divorce, les héritages. Toutes ces choses-là sont clarifiées par la sunna en détail, et de même que les choses qui ont été interdites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne sont pas parfois mentionnées dans le Coran, c'est obligatoire de retourner à la sunna pour les connaître. Et donc, il mentionne des preuves de ça dans le Coran. وَمِمَّا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et obéissez à Allah et à son messager pour que vous puissiez avoir la miséricorde. Et dans sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit: أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. C'est-à-dire, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui ont le commandement, ou à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si vous divergez en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et à son messager, si réellement vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. Donc ça, c'est le verset dans Sourate An-Nisa, le verset 59. Ce verset-là, il est très important. Le cheikh, il l'explique. Il dit, il va l'expliquer bon, plus en détail en mentionnant que celui qui, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah. Les ulama ont mentionné que d'obéir à Allah dans ce verset-là, ça veut dire de suivre le Coran et d'obéir à ce qui est dans le Coran. Wa ati'u ar-rasoul, ça veut dire d'obéir au messager lorsqu'il était vivant, et après sa mort, c'est-à-dire de suivre sa sunna. Wa ulil amri minkum, et ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et vous remarquez dans ce verset-là que devant ulil amr, c'est-à-dire les dirigeants ou ceux qui détiennent le commandement, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas répété le verbe impératif d'obéir. Il a répété le verbe impératif de l'obéissance devant son nom, devant Allah subhanahu wa ta'ala, et devant le messager, mais pas devant les dirigeants. Pourquoi? Parce que l'obéissance aux dirigeants est limitée à l'obéissance à Allah et à son messager. D'accord? Donc si un dirigeant nous demande par exemple de désobéir à Allah et à son messager, dans ce cas-là on n'aura pas le droit d'obéir, parce que c'est un péché. Et on n'a pas le droit d'obéir à un être humain ou à une créature dans la désobéissance du Créateur. Ça, c'est un point très important à comprendre. Aussi dans Sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Celui qui, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, le verset 80 dans Sourate An-Nisa, celui qui a obéi au messager a certes obéi à Allah. Donc ça veut dire que l'obéissance au messager, c'est une obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une preuve que d'obéir, de suivre la sunna, c'est une obligation. Donc le cheikh, il dit, comment serait-il possible d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ramener nos divergences à Allah et de ramener nos divergences à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, si cette sunna, on ne pouvait pas l'utiliser comme preuve, ou bien si cette sunna n'avait pas été préservée, ça ne serait pas possible. Donc ça, c'est la preuve que cette sunna, elle est préservée, et que cette sunna, il est obligatoire de l'utiliser comme preuve. Hein? Et donc ça, c'est pour faire comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aurait pas renvoyé à quelque chose qui est impossible. Donc si Allah nous a ordonné de le faire, c'est parce que c'est possible et parce que ça existe, hein, parce que c'est quelque chose de possible. Et donc de prétendre que la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'existe pas, ça c'est la chose la plus fausse et une des plus grandes formes de mécréance en Allah et une des plus mauvaises formes de mauvaise pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate An-Nahl le verset 44: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Ce verset-là est très important. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là: et on a fait descendre sur toi le rappel pour que tu clarifies aux hommes. On a fait descendre sur toi le rappel pour que tu clarifies aux hommes ce qui a été révélé pour eux et pour qu'ils puissent se rappeler. Donc ça c'est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un de ses rôles et une de ses responsabilités, c'est d'expliquer aux gens qu'est-ce que signifient les versets du Coran et de leur interpréter la signification du Coran. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Ensuite le cheikh il mentionne un autre verset, il dit: وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Dans le verset An-Nahl, le verset 64, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et nous n'avons fait descendre le livre sur toi que pour que tu leur clarifies les choses dans lesquelles ils ont divergé et pour que ce soit une guidance, une miséricorde et une miséricorde pour les peuples qui croient. Donc comment Allah subhanahu wa ta'ala aurait laissé à son messager la tâche et la responsabilité de clarifier ce qui a été révélé pour les hommes et que sa sunna n'existerait pas ou ne serait pas une preuve. Dans ce cas-là, ce serait absurde. Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas demandé au messager de clarifier la sunna si sa sunna ne serait pas préservée. Donc ça, c'est une preuve que la sunna, elle est préservée et qu'il est obligatoire d'y retourner. وَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ النُّورِ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. وقال تعالى في السورة نفسها: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset dans sourate An-Nur: obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et si vous vous détournez, alors vous allez apporter le poids de vos péchés. Si vous vous détournez, فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلْ, il aura apporté sa charge et vous aurez apporté votre charge. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Et il n'incombe aux messagers que de transmettre d'une façon claire. Donc ça c'est des exemples. Et le verset aussi dans la même sourate, dans sourate An-Nur, le verset 56, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et établissez la salate et donnez la zakat et obéissez aux messagers pour que vous puissiez avoir la miséricorde. Et dans un autre verset dans sourate Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ya ayyuhan nas inni lakum rasulullahi ilaykum jami'a الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc dans cette ayah de sourate Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ô vous les hommes, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Celui à qui appartient les cieux ou le royaume des cieux et de la terre. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Il fait vivre et il fait mourir. Alors croyez en Allah et en son messager, le prophète illettré, celui qui croit en Allah et en sa parole, et suivez-le pour que vous puissiez être bien guidés. Donc ça c'est le verset 158 dans sourate Al-A'raf. Donc tout ça c'est des preuves dans le Coran qui nous donnent la clarification qu'il est obligatoire aux musulmans d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de suivre sa sunna. Donc ça c'est comme qu'est-ce que le cheikh explique. Et donc comment quelqu'un pourrait dire que on ne doit pas suivre la sunna par la suite, ou bien que la sunna elle n'est pas authentique, ou bien qu'on ne peut pas se baser sur la sunna. Ça c'est des paroles qui viennent en contradiction avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi dans un autre verset dans Surah An-Nur, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde, que ceux qui contredisent son ordre prennent garde qu'ils ne soient frappés par une fitna, par une épreuve, ou qu'ils soient frappés par un dur châtiment ou un châtiment douloureux. Et dans une autre surah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surah Al-Hashr, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Hein? Et justement, à propos de ce verset-là, il y a une histoire qui a été rapportée selon Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, une fois qu'il mentionnait que les femmes qui enlevaient leurs sourcils, elles étaient maudites. Et une femme a entendu Abdullah ibn Mas'ud dire ça, et il a dit, cette femme, elle a dit, j'ai lu le Coran du début jusqu'à la fin, je n'ai jamais entendu cette malédiction. Alors pourquoi tu maudis celui que Allah et son messager n'a pas maudit? Alors Abdullah ibn Mas'ud, qui était un des plus grands savants de l'islam parmi les sahaba, et yani qui était un des plus savants dans l'interprétation du Coran, il a dit, est-ce que c'est vrai que tu l'as lu du début jusqu'à la fin? Parce que si tu l'avais réellement lu, tu aurais certainement vu cette malédiction dedans. N'as-tu pas lu lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Hein, ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Donc ça, c'est un ordre qui, ça, c'est une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous ramène à la sunna et qui nous ordonne de respecter et de suivre l'exemple de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans la sunna. Donc le cheikh, il explique ensuite, il y a d'autres versets, comme par exemple le verset dans Surah Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ من كتاب من آيات الله في بيوتكن من الكتاب والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الكتاب والحكمة. C'est-à-dire, et réciter, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit, et réciter ce qui est, hein, ce qui est, et rappelez-vous de ce qui est récité dans vos maisons du livre et de la hikmah, de la sagesse. Et les ulama de tafsir ont dit que la sagesse ici dans ce verset signifie la sunna. Comme par exemple dans d'autres versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Les ulama disent que la hikmah ici dans ce verset, ça signifie la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh, il conclut ou il clarifie en disant par la suite, qu'il y a plein d'autres preuves, donc, qui nous ordonnent de suivre le livre d'Allah et de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de s'y accrocher. De faire ce qui est ordonné dedans et de nous abstenir de ce qui est interdit. Donc, ces deux sources, le Coran et la sunna, sont deux sources qui sont interreliées. Tu ne peux pas les séparer l'une de l'autre. Celui qui nie une de ces deux sources, c'est comme s'il a nié l'autre. Hein? Donc celui qui nie la sunna, c'est comme s'il a nié le Coran. Et celui qui nie le Coran, il a nié la sunna aussi. Et ça, c'est, il n'y a pas de doute que c'est quelque chose qui est kufr et égarement. Et c'est quelque chose qui fait sortir des limites de l'islam. C'est-à-dire que si quelqu'un rejette la sunna, eh bien, il sort des limites de l'islam. Et ce n'est pas nécessaire qu'il rejette toute la sunna au complet. Hein? C'est suffisant qu'il rejette un hadith authentique, hein, sans raison, hein, et sans excuse, pour que cette personne-là soit considérée comme étant ayant sorti de l'islam. Et ça, c'est selon le consensus des hommes de science à l'unanimité. C'est-à-dire, les hommes de science et de foi ont tous été d'accord sur ce principe-là. Et les ahadiths, hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce sens-là, sur l'obligation de son obéissance et de le suivre, et l'interdiction de lui désobéir, sont rapportés, hein, par un très très très grand nombre de hadiths. À ce sujet-là, il y en a plein de hadiths comme ça. Comme par exemple, un hadith qui est rapporté, hein, par Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui m'obéit, man ata'ani, faqad ata'a Allah, wa man asani, faqad asa Allah. Celui qui m'obéit, il a obéi à Allah. Celui qui me désobéit, il a désobéi à Allah. Ça c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Qila, wa man ya'ba ya Rasulallah. قال من يأبى من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Donc des sahaba ont dit le prophète sallam a dit à ses sahaba, toute ma umma va rentrer au paradis excepté celui qui refuse. Les sahaba ont dit, mais qui va refuser au messager d'Allah? Et il a répondu, celui qui m'obéit il rentre au paradis, celui qui me désobéit il a refusé. Et il a été rapporté également par Ahmed et Abu Daoud et Al-Hakim avec une chaîne de transmission qui est authentique selon Miqdad, Al-Miqdad, selon le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, « Ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Ala yushiku rajulun shab'anun ala arikatihi yakulu alaykum bihada al-Qur'an fama wajadtum fihi min halal. » فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وخرج أبو داود وابن ماجه بسند صحيح عن ابن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. Donc le cheikh il mentionne d'autres narrations, un hadith apporté par Ahmed et un autre par Abu Daoud et un autre et par Al-Hakim avec une chaîne authentique selon Al-Miqdad qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, on m'a donné le Coran, le livre et quelque chose de pareil avec, c'est-à-dire la sunna. Hein? Et il y a d'autres narrations qui mentionnent que Jibril alayhi salam descendait avec le Coran et il descendait avec la sunna. Hein? Et on a lu déjà le verset préalablement qui clarifiait que يعني, qui clarifiait que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est une révélation. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. نعم, ça c'est un exemple. نعم, ça c'est un exemple comme Jibril qui a montré l'exemple au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il lui a enseigné comment faire la salat et qu'il lui a montré les temps des différentes prières. C'est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih et dans d'autres également dans d'autres hadiths. Et il est rapporté selon Abu Dawud et Ibn Majah avec une chaîne de transmission qui est authentique selon Ibn Abi Rafi', selon son père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que je ne trouve pas quelqu'un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que je ne trouve pas quelqu'un accoudé sur son lit, hein, et on lui transmet un de mes ordres, hein, que j'ai ordonné de faire ou quelque chose que j'ai interdit, et puis qu'il dise je ne sais pas, ce que je trouve dans le livre je l'ai suivi. Dans le livre d'Allah, je l'ai suivi. Hein? Ça, c'est l'attitude de certaines personnes aujourd'hui. Parfois, tu lui mentionnes un hadith sahih, il se dit, ah, moi, je ne sais pas, je n'ai pas lu ça dans le Coran. Hein? C'est la même chose que qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ici. Hein? Donc, ça, c'est très dangereux. Et le cheikh, il dit, « Wa anil Hassan ibn Jabir sami'tu al-Miqdad radiyallahu anhu yaqul » حرم رسول الله يوم خيبر أشياء ثم قال يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ يحدث بحديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله أخرجه الحاكم الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. Donc il est rapporté selon Al-Hassan ibn Jabir. Il a dit, j'ai entendu Al-Miqdad qui disait Al-Miqdad radiyallahu anhu ibn Ma'di Yakrub, il disait حرم رسول الله, donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit des choses le jour de Khaybar. Le jour de Khaybar, il a interdit des choses et il dit, je crains que certains d'entre vous allez me démentir alors qu'il sera accoudé, hein, ou allongé, et on lui mentionne une de mes paroles et il répondra ou il dira, Entre vous et nous, il y a le livre d'Allah. Ce que j'y trouve, ou ce que nous y trouvons comme halal, nous le rendons halal, et ce que nous y trouvons comme haram, nous le rendons haram. Et il a dit à la fin, certes, ce que le messager d'Allah a rendu haram, c'est comme ce que Allah a rendu haram. Hein? Et ça c'est rapporté par Al-Hakim et Al-Tirmidhi et Ibn Majah avec une chaîne de transmission authentique. Donc il y a plusieurs hadiths à ce sujet-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à plusieurs occasions, comme par exemple dans sa dernière khutbah qu'il a donnée lors de son dernier hajj, il a dit que la personne qui est présente transmette cette parole à celui qui est absent. Peut-être que la personne qui va le transmettre, peut-être que la personne à qui cette parole sera transmise comprendra mieux que la personne qui l'a entendue elle-même. Donc, ça c'est la preuve que cette parole, elle doit être transmise. Donc la sunna, elle doit être transmise. Hein? Donc ça c'est la preuve que la sunna, c'est une preuve qui doit être utilisée et qui est valable jusqu'au jour de la résurrection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de la transmettre. Hein? Et c'est pour cette raison-là que jusqu'à aujourd'hui, hein, on a encore les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été transmis par des chaînes de transmission authentiques, hein, et qui nous permet de distinguer entre les paroles qui sont les paroles authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celles qui sont faibles ou fabriquées ou ainsi de suite. Et c'est pour ça que l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, il a dit, comme c'est rapporté dans Sahih Muslim dans l'introduction, il a dit al-isnad min ad-din wa law la al-isnad la qala man sha'a ma sha'a. Hein? La chaîne de transmission fait partie de la religion. Et si ce n'était pas de cette chaîne de transmission, n'importe qui pourrait dire n'importe quoi. Hein? Pourrait dire ce qu'il veut. Celui qui veut pourrait dire ce qu'il veut. Et donc ça c'est des exemples. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont mémorisé les paroles et les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils les ont transmis à ceux qui sont venus après eux parmi les tabi'in. Hein? Les élèves des sahaba, on les appelle les tabi'in, tabi'un. Et les tabi'oun, ils l'ont enseigné à ceux qui sont venus après eux, et c'est de cette façon-là que donc la sunna a été transmise de personne en personne, de génération en génération. Hein? Et donc ça, c'est des exemples. Et les ulama, donc, ils ont donc rassemblé ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des livres, et ils ont clarifié ces paroles qui sont authentiques, des paroles qui sont faibles ou qui ne sont pas authentiques. Et ils ont établi des principes et des règles pour expliquer et clarifier la différence entre ces différentes narrations-là, pour qu'on sache qu'est-ce qui est authentique et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est pour cette raison-là qu'on est capable aujourd'hui de savoir la sunna qui est authentique de la sunna qui est faible. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et les hommes de science, ils ont transmis donc, les hadiths dans les livres authentiques comme As-Sahihain, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim et d'autres livres de la Sunna également, et ils ont préservé et mémorisé ces hadiths-là de façon complète et totale. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que la Sunna soit préservée de toute forme de malformation, de déformation, de falsification ou autre, contrairement aux livres des juifs et des chrétiens. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit justement à ce sujet dans la sourate Al-Hijr, le verset 9, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nous avons révélé le zikr, et certes nous allons en être le garant ou celui qui le préserve. Et le Cheikh il dit qu'il n'y a pas de doute que la sunna fait partie de ce qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala et de ce qui est préservé. Comme Allah préserve le Coran, il préserve également la Sunna. Parce que dans le verset ici, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ الذِّكْرَ, ça comprend pas seulement le Coran, ça comprend le Coran et la Sunna aussi. D'accord? Et donc, ça c'est des exemples à ce sujet-là. Et on voit que, par exemple, des fois dans la Sunna, il y a des aspects qui viennent confirmer des choses qui sont dans le Coran, et parfois même qu'il y a des choses dans la Sunna qui sont des règles qui sont, disons, en plus, C'est-à-dire que c'est des règles qu'on ne retrouve pas dans le Coran, mais qui sont indépendantes de ce qui est dans le Coran. Par exemple, le cheikh il mentionne le fait que le fait qu'on n'a pas le droit de réunir entre deux épouses, une étant une femme et sa tante, ou une femme et sa tante maternelle ou paternelle. Hein? Donc ça c'est des exemples. Ou bien d'autres règles également, comme les règles de l'allaitement ou des choses de ce genre, les différentes règles de l'héritage, certaines de ces règles-là, on ne les retrouve pas dans le Coran seulement, mais elles sont venues dans la Sunna. Donc ça c'est des exemples. Ensuite on retrouve aussi chez les Sahaba et chez les Tabi'in des exemples du fait qu'ils se référaient parfois à des questions qui se produisaient, ils se référaient pour les régler à la Sunna, sans retourner au Coran du tout. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que parfois la réponse de ces questions-là existait déjà dans le Coran, mais ils se référaient à la Sunna comme étant une preuve. Ça, c'est des exemples qui montrent que les Sahaba ont utilisé la Sunna comme une preuve dans la législation, tout comme ils utilisaient le Coran au même degré. Hein? Et ils mentionnent l'exemple, par exemple, de qu'est-ce qui est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, beaucoup d'entre les Arabes ont apostasié de l'islam. C'est-à-dire, ils sont revenus à la mécréance. Et certains ont refusé de payer la zakat. Donc Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, lui, il était déterminé à combattre ces gens-là, combattre ceux qui refusaient de payer la zakat. Et il a dit, par Allah, je vais combattre ceux qui distinguent entre la salat et la zakat. Hein? Alors, Omar radiallahu anhu a dit, mais comment tu pourrais combattre des gens alors que ces gens-là ont dit la ilaha illallah? Et le prophète Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah Umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idha qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Abu Bakr radiallahu anhu, il rapporte ce hadith, il dit, j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Lorsqu'ils l'ont dit, ils seront protégés contre moi dans leur bien et dans leur sein, excepté pour un de ces droits. Et un de ces droits, c'est quoi? C'est la salat et la zakat, hein, par exemple. Donc Abu Bakr radiallahu anhu, il a dit, n'est-ce pas que la zakat fait partie des droits de la ilaha illallah? Il dit, par Allah, s'ils refusaient de donner une corde qu'ils donnaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque, et ils refusent de la donner aujourd'hui, eh bien, je les combattrai pour avoir refusé de la donner. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit, quand j'ai vu comment la réaction de Abu Bakr et comment il était déterminé, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala avait ouvert la poitrine de Abu Bakr pour le combat contre ces gens-là. Alors j'ai su que c'était la vérité. Quand j'ai vu à quel point Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu était déterminé et convaincu dans sa position de combattre ces gens-là, alors j'ai su que Allah avait ouvert sa poitrine à ça et donc que c'était la vérité. Et les autres sahaba l'ont tous suivi dans cette décision-là, et ils ont combattu les gens de l'apostasie jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'islam. Hein? Et ils ont combattu ceux qui ont persisté dans leur apostasie et à rejeter l'islam. Et cette histoire-là est une des plus grandes preuves du respect que les sahaba avaient de la sunna et de l'obligation de l'appliquer, puisque Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu et Omar ibn al-Khattab sont parmi les plus savants de la umma après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, et ils se réfèrent à la sunna pour régler un grand problème de la umma. C'est pas un petit problème des tribus arabes qui apostasient, qui quittent l'islam, Hein? Donc ça, c'est pas n'importe quel sujet. À quoi il se réfère? Il se réfère à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça prouve l'obligation de s'y référer et l'importance de cette parole. Ensuite, le cheikh il dit, et également il y a l'histoire de Al-Jadda, c'est-à-dire la grand-mère. Une grand-mère est venue voir Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu pour lui demander son héritage. Et Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu a dit: je n'ai rien vu dans le livre d'Allah à ce sujet-là. Et je ne connais rien du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ce qu'il aurait décrété à son sujet. Alors il a dit: je vais demander aux gens. Donc Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, qui est le plus savant de la Ummah, quand la grand-mère est venue le voir pour lui demander à propos de son héritage, parce qu'elle voulait une part de son héritage, il dit: je n'ai rien vu dans le Coran là-dedans, à ce sujet-là, et je n'ai jamais entendu rien du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, mais peut-être que lui ne l'a pas entendu, mais peut-être que d'autres sahabis l'ont entendu. Alors il a dit quoi? Je vais demander aux gens. Alors souvent, qu'est-ce qui arrivait après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait une situation ou un événement comme ça, eh bien, les sahaba, comme Abu Bakr radiallahu anhu, ou bien Omar ibn Khattab radiallahu anhu, ou un autre parmi les khulafa, ils réunissaient tous les anciens sahaba et ils leur posaient les questions. Hein? Et donc, est-ce que l'un d'entre vous connaît quelque chose au sujet de l'héritage de la grand-mère? Et ils attendaient que un d'entre les sahaba donne une réponse de ce qu'ils ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'il a demandé à ce sujet-là, il a demandé radiallahu anhu aux sahaba, et un d'entre eux a témoigné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à la grand-mère le sixième. Hein? Le sixième. Alors Abu Bakr radiallahu anhu, il a jugé par cela. Hein? Il a jugé par cela. Et Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il leur donnait à ses employés, les gens qu'il plaçait dans différentes régions et qui travaillaient pour lui dans l'État, de juger entre les gens selon le livre d'Allah, et s'ils ne trouvaient pas la réponse dans le livre d'Allah, alors de juger par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il y a eu un jugement à propos de quelque chose qui s'est produit, par exemple le fait que une femme qui s'est faite attaquer, par exemple, et qui était enceinte, et que à cause de cette agression là qu'elle a subie, elle perd son enfant. Son enfant tombe et il meurt, il naît mort. Est-ce qu'il y a une peine pour ça? Est-ce qu'il y a une compensation économique à donner dans ce cas-là? Eh bien, le cheikh il explique que il y a un sahabi qui a témoigné à ce sujet-là, Muhammad ibn Muslima ou Al-Mughira ibn Shu'ba, ils ont tous les deux témoigné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait effectivement décrété établi que il y avait une peine financière à payer pour une situation comme ça. Hein? Et il a donc Omar ibn Khattab radiallahu anhu a jugé selon cette sunna. Lorsque Uthman radiallahu anhu a eu une question qui s'est posée et il avait de la difficulté à établir le verdict au sujet de la femme qui était dans la maison de son mari après la mort de son mari, combien de temps elle devait rester dans la idda. Et on l'a informé par la suite que une femme, je pense que c'est Rabi'a bint Malik ibn Sinan, qui était la sœur de Abi Sa'd, elle a dit radiallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait ordonné de rester après la mort de son mari et de rester dans sa maison jusqu'à ce que le terme soit achevé. Donc Othman radiallahu anhu, il a jugé selon cela. De même que en ce qui concerne la peine pour la personne qui boit de l'alcool, hein, la même chose, il a jugé selon la sunna. Et par exemple, lorsque Ali radiallahu anhu, il a appris que Othman ibn Affan radiallahu anhu avait interdit de faire Hajj tamattu, eh bien, lui, Ali radiallahu anhu, il a insisté de le faire. Parce qu'il a dit, je ne vais jamais laisser une sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour la parole de quiconque. Peu importe qui cette personne-là peut être. Et lorsque, par exemple, les gens refusaient ou ne faisaient pas Hajj tamattu, ils faisaient le Hajj ifrad, à cause de la parole de Abu Bakr et de Omar, Abdullah ibn Abbas, lorsqu'il a entendu ça, il a dit, je crains que des pierres tombent sur vos têtes, hein, du ciel. Parce que je vous dis de faire quelque chose en disant, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et vous me répondez, Abu Bakr Omar a dit. Hein, en voulant dire, comment vous pouvez mettre la parole de Abu Bakr et de Omar, radiallahu anhuma, à égalité avec la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est pas correct. Et donc, le cheikh, il dit, si de contredire la sunna pour la parole de Abu Bakr et de Omar, c'est quelque chose qui mérite une punition, comme des pierres qui tombent sur nos têtes du ciel, alors que dirait-on de la personne qui contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la parole de quelqu'un qui est moins important encore que Abu Bakr et Omar, hein? C'est encore plus grave. Et il mentionne, il dit aussi, et lorsque certaines personnes ont disputé avec Abdullah ibn Omar au sujet de quelques aspects de la sunna, alors Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, est-ce qu'on est ordonné de suivre Omar ou de suivre la sunna? Et allez, regardez comment il parle. Abdullah, c'est le fils de Omar ibn al-Khattab. Et quand on s'objectait à lui en mentionnant Omar ibn al-Khattab, lui, il disait, qu'est-ce qu'on est ordonné de suivre? Est-ce qu'on est ordonné de suivre la sunna ou de suivre Omar ibn al-Khattab? Hein? Donc ça, c'était l'attitude des sahaba entre eux, comment ils donnaient de l'importance à la sunna. Et lorsque un homme a dit à Imran ibn Hussein, lorsqu'il parlait de l'islam, Imran ibn Hussein donnait un dars ou bien il parlait, les gens ont dit, parle-nous du livre d'Allah. Hein? Parle-nous du livre d'Allah. Et il était en train de leur parler de la sunna. Alors ils ont dit, parle-nous du livre d'Allah. Et il a dit, il s'est mis en colère, radiallahu anhu. Il a dit, la sunna, c'est l'explication du Coran. Et si ce n'était pas la sunna, si ce n'était pas de la sunna, vous n'auriez pas su que la prière de Dhuhr a 4 rak'at, et que la prière de Maghrib a 3 rak'at, et que la prière de Fajr a 2 rak'at. Et vous ne connaîtriez pas les règles détaillées de la zakat, hein, parmi ce qui est mentionné dans la sunna comme détail par rapport aux règles, hein, et les paroles des sahabes à ce sujet-là, au sujet du respect qu'ils avaient de la sunna, sont très très nombreuses. Et l'avertissement contre le fait de contredire la sunna, c'est rempli d'exemples dans les paroles des sahaba. De même que également on a trouvé une parole de Abdullah ibn Omar, ça s'est rapporté dans Sahih Muslim, lorsque il a mentionné le hadith, hein, قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. N'empêchez pas les serviteurs d'Allah, les femmes serviteurs d'Allah, d'aller aux mosquées. Certains d'entre les enfants de Abdullah ibn Omar ont dit, par Allah, on va les empêcher d'y aller. Il a dit, je jure par Allah qu'on va les empêcher d'y aller. Alors Abdullah ibn Omar, il s'est mis en colère contre son fils. Et il l'a insulté d'une grosse insulte. Hein? Et il a dit, je te dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et toi tu dis, par Allah, je vais les empêcher. Hein? Comment tu peux contredire la sunna de cette façon? Hein? Donc ils se mettaient en colère quand quelqu'un contredisait la sunna, même si c'était leurs propres enfants. Hein? L'exemple aussi, Abdullah ibn al-Mughaffal, lorsqu'il a vu al-Muzani, radiyallahu anhu, qui était un des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, hein? il a vu un de ses proches qui envoyait des cailloux comme ça avec ses doigts. Hein? On dit al-khazf. Hein? En français, bon, ici au Québec, on dit une pichenote. Je ne sais pas comment on dit ailleurs. Bon, tu prends une pierre, tu mets entre ton pouce et un autre doigt, puis tu envoies ce petit caillou. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a interdit de faire ça. Et il lui a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit d'envoyer des cailloux de cette façon. Alors, il a dit que ça ne peut pas permettre de chasser, c'est-à-dire tu peux pas faire la chasse avec ça, et tu peux pas non plus blesser un ennemi, mais ça brise les dents et ça crève les yeux. Donc c'est interdit, faites-le pas. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. Mais quand il l'a revu encore faire ça encore une fois, il l'a revu une autre fois, puis il était encore en train de faire des pichenottes comme ça. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, Wallahi la, la ukallimuka abadan. Je vais jamais, par Allah, je ne te parlerai plus jamais. Hein? Parce qu'il était fâché, parce qu'il a opposé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam après qu'il ait la connaissance de cette sunna. Hein? Et après lui avoir clarifié cette sunna. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit, je ne te parlerai plus jamais après t'avoir mentionné que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire ça, et toi tu le fais, tu retournes. Hein? Et Al-Bayhaqi, il mentionne, selon Ayyub al-Sakhtiyani, qu'il a dit, si tu parles avec un homme au sujet d'une sunna, puis qu'il te dit, ah, laisse-nous tranquille avec ça, parle-nous du Coran, sache que c'est un égaré. C'est-à-dire, si tu parles à quelqu'un, tu lui mentionnes quelque chose de la sunna, et qu'il te dit, laisse-nous tranquille avec ça, parle-nous du Coran à la place, sache que c'est un égaré. Wa qala al-Awza'i, rahimahullah, as-sunna qadiyatun ala al-kitab, ay tuqayyidu ma atlaqahu, ou bi ahkam lam tuzkar fi al-kitab, kama fi qawli Allah ta'ala, wa anzalna ilayka al-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. وسبق قوله صلى الله عليه وسلم الا اني اتيت القران ومثله معه. Donc c'est ça, l'imam al-Awza'i, un des grands imams parmi les imams de l'islam, qui était à l'époque de l'imam Malik. Lui il était en Syrie, l'imam al-Awza'i était en Syrie et l'imam Malik était à al-Madina à l'époque, et l'imam al-Layth ibn Sa'd était à cette même époque en Égypte. Ça c'était les grands imams de cette époque là et bien Imam al-Awza'i, il dit, la sunna, elle juge sur le Coran. Elle juge sur le Coran. Pourquoi? Parce qu'elle vient restreindre ce qui est absolu dans le Coran. Qu'est-ce qui est révélé de façon absolue ou générale dans le Coran? Il est expliqué et restreint par la sunna. Donc ça, c'est la raison. Et il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous t'avons révélé le rappel pour que tu clarifies aux gens ce qui a été révélé pour eux. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes on m'a donné le Coran et quelque chose de semblable avec. Et il dit, wa qala Amir al-Sha'bi رحمه الله أنه قال لبعض الناس إنما هلكتم حين تركتم الآثار يعني بذلك الأحاديث الصحيحة. Un des grands savants parmi les savants des salaf, Amir al-Sha'bi, il a dit à certaines personnes, vous avez péri seulement lorsque vous avez abandonné al-Athar, c'est-à-dire les narrations. Et il parlait bien entendu des ahadiths authentiques. Et al-Bayhaqi, il rapporte également selon al-Awza'i encore une fois, qu'il a dit à certaines personnes parmi ses compagnons, إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فإياك أن تقول بغيره فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله. Donc l'imam al-Bayhaqi rapporte de l'imam al-Awza'i que certains de ses compagnons, il a dit à certains de ses compagnons, si un des hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم te parvient, alors prends garde de dire autre chose que ce qui est dans ce hadith-là. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu transmettre la parole d'Allah. Il est venu parler, hein, et transmettre ce que Allah lui a révélé. Et il a été rapporté par l'imam al-Bayhaqi encore une fois, selon Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, rahimahullah, un autre parmi les grands imams des salafs, qui a dit إِنَّمَا الْعِلْمُ كُلُّهُ الْعِلْمُ بِالْآثَارِ إِنَّمَا الْعِلْمُ كُلُّهُ الْعِلْمُ بِالْآثَارِ. Donc la science, c'est par les narrations. Qu'est-ce qui est rapporté? وقال مالك رحمه الله الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. L'imam Malik, rahimahullah, il a dit, il n'y en a pas un parmi nous excepté qu'il est soit réfute, qu'il réfute ou soit qu'il est réfuté. C'est-à-dire soit qu'il a raison ou soit qu'il a tort. Excepté celui qui est dans cette tombe. Et il a pointé à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire tout le monde peut se tromper et tout le monde est faillible, excepté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puisque lui il est infaillible. Sinon, en dehors de lui, toutes les personnes, peu importe leur savoir, même si c'est les plus grands savants et les plus grands imams de l'islam, ils peuvent faire des erreurs dans la religion ou autre. Et il rapporte ensuite la parole de l'imam al-Shafi'i. Il a dit, « Mata rawaitu an rasulillahi hadithan sahihan falam akhuth bihi fa'ushhidukum anna aqli qad zahaba. » Il dit, l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, un des grands imams parmi les salafs, il disait, si je rapporte, si je vous transmets un hadith du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et puis que par la suite, hein, je ne le prends pas ce hadith-là alors qu'il est authentique, alors soyez témoins que j'ai perdu la raison. Soyez témoins que j'ai perdu la raison. Et Abu Hanifa, rahimahullah, il disait, lorsque vient un hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire on l'accepte sans questionnement, hein, ala ra'si wal 'ayn en arabe, si tu traduis littéralement, ça dit sur ta tête et sur ton œil, hein, ça dit tu le prends sans discuter, hein, c'est une expression. Et il dit qala aidan rahimallah, c'est-à-dire l'imam al-Shafi'i, إذا قلت قولا وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه فاضربوا بقولي الحائط. Lorsque l'imam Shafi il a dit, si je vous dis une parole puis qu'il y a un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui vient en contradiction avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prenez ma parole et jetez-la sur le mur. C'est-à-dire ma parole ne vaut rien devant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, ça c'est les imams de la sunna. Ça c'est les imams d'Ahlus Sunna. Comment ils avaient du respect pour la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'acceptaient jamais que quelqu'un allait mettre la parole de quiconque devant la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe qui était cette personne. Il dit wa l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah qala li ba'd ashabihi, il a dit à certains de ses compagnons, ne me suivez pas aveuglément. Ne suivez pas l'imam Malik aveuglément. Ne suivez pas Shafi'i aveuglément. Prenez de là où ils ont pris eux. Retournez à leur source. Hein? C'est pas de suivre aveuglément. Et il a dit également, dans une autre narration, عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى رأي سفيان. والله يقول والله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله عليه إذا رد بعض قوله عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. Donc il dit, l'imam Ahmad ibn Hanbal, il dit, je m'étonne des gens qui connaissent la chaîne de transmission du hadith, c'est-à-dire c'est des savants de hadith, hein, et ils connaissent son authenticité, que c'est une parole authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et malgré tout, ils vont à l'opinion de Soufyan. Hein, il dit, par Allah, hein, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il dit que celui qui contredit son commandement prenne garde qu'il soit frappé par une fitna ou qu'il soit frappé par un châtiment douloureux. Est-ce que vous savez ce qu'est la fitna? La fitna, c'est le shirk. peut-être que cette personne-là, lorsqu'il rejette une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'une déviation va rentrer dans son cœur et puis il va périr à cause de ça. Il va périr à cause de ça. وأخرج البيهقي عن مجاهد ابن جبر التابعي الجليل أنه قال في قوله صلى الله عليه وسلم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال الرد إلى الله الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول الرد إلى السنة. Donc l'imam مجاهد dans son tafsir, مجاهد qui était l'élève de Abdullah ibn Abbas, un grand tabi'i, il dit à propos du verset 59 dans Sourate An-Nisa qu'on a lu tout à l'heure, et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager. Il dit de le ramener à Allah, c'est de le ramener à son livre, et de le ramener à la sunna de son messager. De le ramener au messager, c'est de le ramener à sa sunna. Et il dit ensuite, et il est rapporté selon Az-Zuhri par l'imam Al-Bayhaqi, il dit que ceux qui nous ont précédés parmi nos ulama, ils disaient de s'accrocher à la sunna, c'est le salut. Et Al-Muwaffaquddin ibn Qudama, rahimahullah, il dit dans son livre Rawdatul Nazir wa Junnatul Munazir, un livre de Usul al-Fiqh, il explique les fondements des règles de la religion, et il explique que le deuxième fondement de la religion, c'est les preuves de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et que la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une preuve. Et parce qu'il y a des preuves, bien entendu, il y a des miracles qui prouvent sa véracité, la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a l'ordre d'Allah qui nous ordonne de lui obéir, et l'avertissement d'Allah subhanahu wa ta'ala de contredire son ordre et son commandement. Donc ça, c'est la fin de cette citation-là. Il dit, qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est la parole de Al-Hafiz, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est expliquée par Al-Hafiz ibn Kathir, qu'on a mentionné tout à l'heure dans le verset, dans Surat An-Nur, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Et c'est-à-dire qu'ils contredisent l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أي فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ كُفْرٍ أَوْ نِفَاقٍ أَوْ بِدْعَةٍ. C'est-à-dire qu'ils soient frappés par une fitna, c'est-à-dire dans leur cœur, soit par exemple une parole de kufr, ou une croyance de kufr, ou une hypocrisie, ou une bid'a qui va tomber dans leur cœur à cause du fait d'avoir rejeté la sunna. Aw yusibahum adhabun alim, ou bien ils seront frappés par un dur châtiment, un châtiment douloureux, c'est-à-dire ay fi dunya bi qatlin aw haddin aw habsin aw nahw dhalik. C'est-à-dire ou bien ils seront frappés par un châtiment douloureux dans cette dunya, c'est-à-dire à cause d'avoir contredit l'ordre du messager, ils auront ce châtiment là dans cette dunya, soit parce qu'ils vont être soit ils seront tués, ou soit ils auront une peine qui va être établi sur eux, ou bien ils vont être emprisonnés, ou quelque chose de ce genre. Et comme c'est rapporté également selon donc il y a ce hadith, le cheikh il mentionne ensuite le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne, selon Abu Huraira, il mentionne que l'exemple, il dit, mon exemple c'est comme l'exemple d'un homme qui voit un homme qui a allumé un feu. Et ce feu-là, il y a une lumière, il fait de la lumière. Et donc, il y a plein de papillons qui viennent autour, qui veulent, et des bêtes qui veulent se lancer dans ce feu. Et il dit, et il essaie d'empêcher ces papillons-là de rentrer dans le feu. Et il dit, mais il n'est pas capable parce qu'il y en a tellement qu'il n'arrive pas à tous les repousser. Donc il dit, moi, je suis comme cet exemple-là, je vous repousse du feu et je vous empêche de rentrer dans le feu, mais vous me dépassez, et vous tombez dedans. J'arrive pas à vous retenir. Ça, c'est un exemple. Et il termine cette explication-là avec une parole de l'imam As-Suyuti dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Miftahul Jannah fil Ihtijaj bis Sunnah. Il dit qu'est-ce qui est cité ici. I'lam rahimakumullah, i'lamu rahimakumullah, anna man ankara anna kawna hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qawlan kana aw fi'lan bishartihi al-ma'ruf fil usul hujjah kafara wa kharaja an da'irat al-islam wa hushira ma'a al-yahud wa al-nasara aw ma'a man sha'a min firak al-kafara. intaha al-maqsoud. Donc, le cheikh, il termine le livre avec cette parole de l'imam As-Suyuti dans son livre qui dit: sachez, que Allah vous fasse miséricorde, que celui qui renie ou qui rejette le fait que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit une parole ou une action, avec ses conditions bien connues, soit une preuve et un fondement dans la religion, alors celui-là a mécru et il est sorti du cercle de l'islam et il sera ressuscité avec les juifs et les chrétiens ou avec celui que Allah a voulu d'entre les groupes des mécréens. Donc ça, c'est ce qui vient conclure donc tout ce qu'on voulait clarifier au sujet du statut de la sunna dans l'islam et de son importance. Et bien entendu, il y a beaucoup d'autres choses à dire et à clarifier. On a déjà dépassé même le temps qui était prévu pour cette conférence-là. Mais l'important, c'est que puisqu'on a du temps, qu'on ait compris comme il faut l'importance de la sunna dans l'islam et de son statut. Et inshallah que ça nous aide à avoir une meilleure compréhension de l'islam et de la religion par la suite, bi'iznillah. Donc on va s'arrêter ici pour maintenant jusqu'à la salat de Maghrib, inshallah. Puis après salatul Maghrib, on va continuer notre séminaire, notre programme, avec la quatrième conférence de la journée qui s'intitule, ou bien qui sera au sujet des principaux fondements de la sunna, qui vient compléter qu'est-ce qu'on a expliqué dans cette conférence maintenant, c'est-à-dire qui vient compléter qu'est-ce qu'on a dit au sujet du statut de la sunna dans l'islam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.